I'll show you some objects, then please do what I ask. Je vous montre des objets, il faut faire ce que je dis. Je vous montre des objets, il faut faire ce que je dis. Please take this. Prenez. Prenez. Please give me the glasses. Donnez-moi les lunettes. Donnez-moi les lunettes. Please put the pencil on the envelope. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Please turn the glass over and pick up the scissors. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux.